ton David à l'instant sur Maxi France avec Pour tout le monde pareil. Retrouvez Maxi France sur TuneIn. TuneIn, l'application gratuite et sans pub pour écouter toutes vos stations préférées. Plus d'infos sur www.tunet.fr. www.tunet.fr. Très bonne fin de soirée avec nous, il est 18h. www.maxifrance.fr, c'est 24h sur 24, le meilleur de la chanson française, des années 80 à nos jours. J'ai dit très bonne fin de soirée, alors c'était très bonne fin d'après-midi avec nous, bien évidemment, je pense que vous l'auriez compris. On peut faire un petit point sur le 2 minutes info avec Jean-Luc. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. À la une de l'actualité de cette mi-mai, le gouvernement français est vigilant et donne la priorité à la protection des salariés de l'aciériste Ascoval. Après l'annonce des difficultés financières de son